Thank you. Capsule, une canette de Perrier, bien fraîche. Il manque plus qu'une tranche de citron pour... complètement te désaltérer. Tellement j'avais soif. Tellement j'avais besoin de sel et de minéraux. Putain, sa boîte. Tellement j'avais soif. Une bonne eau. Une source pleine de calcium. te dis des sels minéraux. On se remet, on se recale. K. Fine bulle. Grosse bulle. Gaz carbonique. Gaz carbonique. Quand le carbone à l'essence de toute quand tu quand essors, je bois bah, carbone. J'avais tellement soif. Fine, fine bulle de Perrier. Dans mon gosier, je l'ai rêvé. On m'a mis d'eau. Sans viennent me gratter l'intérieur. Gaz carbonique en fine bulle viennent me gratter. À la base H2O, à la base H2C, quelques sels minéraux. À la base H2O, quelques sels minéraux. À la base je sais pas ce que c'est. Beaucoup de plastique, beaucoup de plastique autour pour emballer minéraux. À la base je sais pas trop. Oh potable. Ça devient potable, vada. Au CB, au Gardardé, au CO, comme c'est les ma forme, faire de moi un héros qui sert un héros. Avec de l'eau, un verre d'eau, un héros qui viendrait crier un héros pour nous abreuver un verre d'eau pour le 50e diluer un verre d'eau. Source potentielle de ma un verre d'eau, héros, oh, oh, un verre d'eau. En tout cas, je sais que je pisserai pas des bulles. Même fine, non. Je sais que je pisserai pas des bulles. Jamais. Ça remonte un petit peu, oublié, en effet. Matin. Regardant les étoiles, le roi lézard te contemple le piège. Petit chat, le roi lézard te contemple et te piège déjà. Tu n'es pas. Tu n'es pas couché, non, tu n'es pas. Moi, tu n'es pas. Non, tu n'es pas. Non, tu n'es pas allé. Pas allé. Rien. Non, tu n'es pas. N'es pas. Rien. Non, tu n'es pas. Rien. N'es pas allé. Moitié trépané. Ça aurait pu nous arriver. À la langue bien pendue. Comme des bandits. Hardy, à la langue Hardy. Bien pendue. Frères humains qui avec nous vivent. Allez. Oh. Hey. Allez au passé du tordu rêvé tangu tordu rêvé. Sommeil paradoxal, sommeil. Just you from Spain. Il s'arrête. Qu'est-ce qui se passe? Problème de réseau. Schulz, il s'arrête. Il est né d'un relais Wi-Fi. Ben ouais. Maybe. Je vais remettre la truc là. C'est trop bien. Sommeil léger. Emmerdé. et le lézard sournois, la mouche du coche. Bien m'emmerder en cours. Hey. Pourquoi toujours besoin d'un scénario? Pas besoin d'être à Rio. Besoin d'un scénario. Voir des scénarios. Ah, ah, ah. Ya ya j'aurais dû mettre un canari dans ma mine pour être averti. Bénéfice, un retour sur investissement. C'est un langage. C'est mon lézard qui parle en moi. Je vois ma peau s'écailler à force. Je lui donne tellement de mal, toutes les mauvaises choses, c'est bien de